papier par Jean-Pierre Bouguier. Voilà, et ils l'ont fait. Ça menaçait fort depuis un bon moment. Ils en parlaient comme ça, de temps à autre. Et celui-là, qu'est-ce que tu en penses? Ça vaut ce que ça vaut. Oui, mais peut-être... J'aimerais relire une page ou deux plus tard. Il m'a semblé qu'il y avait quelques bonnes idées. Oui, mais on le garde pas 20 ans. Les cochonneries, ça suffit. Oui, t'as pas tort. Déjà toutes celles de ta mère dans le garage. Eh oh, il fâtera ton oncle, nous encombre le grenier, hein? Faudrait pas en profiter pour mépriser ma famille. Après, ça s'envenimait, et je ne puis reproduire les termes du débat très personnel et très privé qui suivait. J'ai même perdu une page de titre. Après un vol plané où mes feuillettes, ou frissonnant, n'ont pas eu le temps de se rabattre à temps pour atterrir proprement. Les oiseaux comptent leurs plumes, les livres comptent leurs pages, obsessionnellement. Une manie prise dès la sortie des machines chez l'imprimeur. Gare au rescueur qui avait profité d'une inattention pour s'épercir indûment, pour voler un cahier supplémentaire. Nous, les livres normaux, on les poussait pour qu'on les remarque, qu'ils fassent saillie au moment de l'emballage des palettes. Faut pas se laisser faire, il y a une telle concurrence. Si on veut être vendu, rien ne doit être abandonné au hasard. Car quoi qu'en disent les puristes, la dignité d'un livre demeure de se retrouver bien en vue sur l'étalage d'un libraire. Et là, sans qu'il y paraisse, dès que le libraire et les clients ont le regard tourné vers d'autres pensées, hop, un petit coup d'un coin de la couverture et voilà, on s'est placé de travers, de façon à se faire remarquer. Les plus sveltes sautent sur les jaquettes voisines de manière à les escamoter tout simplement. J'ai même vu des collègues profiter de leur couverture satinée pour tomber à terre devant les pas d'un client indécis, sur ses pieds quasiment. Incroyable audace, mercantilisme bas et tapageur. Une sorte de putasserie, dans ce lieu sacré, la librairie, le saint des saints de la culture, quel dévoiement! Commerce et culture sont mariés pour le meilleur et le pire. Mais voilà, la vie d'un livre est toute une histoire, pas fatalement extraordinaire, sans doute même rarement extraordinaire. Me voici donc tombé dans la caisse à ordures, la caisse réservée au papier, s'entend, pas celle des boîtes de sardines huileuses, rances, dégoulinantes, d'une obscénité populacière. Burk, burk, burk. Bon, enfin, chacun ses vulgarités. Moi, je dois désormais vivre la promiscuité avec d'infâmes prospectus dont l'encre empeste, avec d'incroyables épaisseurs de correspondances déchirées, publicité, demandes humanitaires. Le nouveau, avant de bon cœur. Ou, plus moderne, t'as pas 100 balles, tu risques rien, c'est défiscalisé. Offre de service. Nettoyage du toit gratuit garanti 10 ans. Les sacs à fruits froissés, taciturne en diable, n'ont rien à dire, n'ont jamais rien eu à dire, ces pauvres contenants stupides qui ont tout donné aux courges, à la salade. Les papiers très usagés issus des crèmeries, charcuteries et boucheries, ah, ceux-là, d'un bavard. Toujours une anecdote pour entretenir la conversation et vanter la marchandise qu'ils ont emballée. Et puis, dans un petit coin perdu, les propositions alléchantes de Mamadou Siseke, englobant dans un même espoir argent, fidélité, travail, virilité, amour, et plus encore si affinité réelle. Il faut avoir le cœur bien accroché pour demeurer fier de ce que l'on est depuis ses nobles origines, alors même que je suis fripé par ces intimités désinvoltes, souillé par des voisinages abjects, bousculé dès qu'une décharge de nouveaux arrivants s'immisce, se pousse, en recomposant l'infinie palette des odeurs disponibles dans l'épaisseur étouffante de ces papiers sans nom. Pourquoi interpeller l'univers bien-pensant au nom de la souffrance endurée par les livres? C'est que j'assume la responsabilité d'un nom, celui d'un auteur qui m'a choisi pour support de ses mots. Il est nommé en gros caractères sur ma couverture, et si on me l'arrache, sur la page de titre, et si la torture se poursuit, sur ma 4e de couve, et si encore... restera l'intitulé de l'œuvre rappelé au sommet de chacune de mes pages. Je sens rapidement tout autour de moi une immonde jalousie s'élever en nuées poisseuses destinée à me faire taire, assourdir tout ce que j'ai à leur opposer, à eux, les sans nom d'aucun auteur. Je comprends bien que les autres papiers ne disposent que d'arguments fallacieux, médiocres, qui traduisent leur impuissance radicale. mais on est frères, même papier, des caractères d'imprimerie, de la colle, parfois de la ficelle. Faut voir. Quel papier exactement? Bois, chiffon, récupération? Quel caractère? Times, Garamond, Ariel ou Ubuntu? Colle et ficelle, Ils savent pas. Ils ignorent tout de leur être profond. Ils me regardent comme une petite chose incroyable, antique. Mais pas si vénérable, puisque dans le même bac à papier qu'eux, les utilitaires, ainsi qu'ils se nomment fièrement entre eux. Des feuilles volantes, des papiers gras, oui, voilà. Des paperas sans âme, prêts à se donner à n'importe quel vent. Vous avez déjà vu un livre voler sur les ailes du vent? Pour cela, il faut qu'un humain le propulse à la tête de l'un de ses semblables. Ou alors, geste sportif ou sublime détestation, le livre vole dans l'atmosphère, car on l'a jeté de loin. Sans doute, ne l'a-t-on même pas lu. On lance un livre comme on lance un ballon. Prodigieux affront, terrible contresens, affreux outrage. Bon, je ne suis pas obligé de penser au pire, surtout maintenant. Les utilitaires, un nom de camionnette, assoient leur supériorité autoproclamée sur le fait qu'ils apportent efficacité et rentabilité aux actions humaines. Que diable, leur rétorquai-je. Vous vous croyez sorti de la cuisse de Jupiter? Le vrai, pas un micromonarque. Pour vous supposer aussi indispensable. Et dire qu'ils ignorent jusqu'à l'existence des libraires. Ces lieux d'élection, où des œuvres en un bon ordre assemblées se reposent à l'ombre, attendant fébrilement la main empressée ou le regard furtif d'un acquéreur potentiel. Voilà qui est fort éloigné des listes de courses, des analyses sanguines, des modes d'emploi de tondeuse à gazon, des filtres à café, des certificats d'assurance ou des justificatifs de domicile. Mais les utilitaires se récrient et dénoncent ces commerces spéciaux, où le vendeur et l'acheteur regardent, tâtent, soupèsent un monde de papier. Certains vont même jusqu'à dire tout fort qu'ils ne mangent pas de ce pain-là, que ce genre de boutique ne devrait pas exister. Des lieux de perdition pour papier de luxe qui passent de main en main du propre. Ces papiers bien convenables m'opposent de se mettre qu'à la disposition d'un unique professionnel dans un commerce de bouche avant d'appartenir au seul acheteur des matières qu'ils emballent, et personne d'autre ne les touche. Mais qui le voudrait? Dès leur premier usage, ils dégoulinent de graisse, de sang. Je les achève en rappelant leur suffisance que les librairies, lieux physiques où se vendent les livres, et non du papier au poids, ont été classées commerce essentiel. Lors des lointains confinements de population, au temps de la pandémie mondiale. Tout comme nous, rétorquent en cœur les papiers de charcuterie, boucherie, crèmerie. Et puis merde, je ne sais pas pourquoi je discute avec cette bataille. Je ferais mieux de les ignorer et de dormir dans mon coin. Mais il en est ainsi. Le livre a constamment à cœur de se justifier. Évidemment, il y a toujours le fort anthème de service, un emballage d'imprimante, ou une feuille annotée reprenant un schéma informatique, ou bien encore l'une de ces innombrables pages tirées des ordinateurs à peine imprimées sur le recto, qui vient objecter le déclin fatal du livre, l'envol du livre numérique, enfin débarrassé de toutes ces vieilleries artisanales compliquées qui fabriquent en masse de l'identique. Alors là, on me cherche et on me trouve, je m'enflamme. Suffirait de peu pour que la poubelle prenne incendie. Il ne suffit pas d'être en papier de pain nordique, de porter sur une part infime de son étendue des caractères éthiques et mal imprimés, et de se croire important parce que figurent sur votre surface des phrases incompréhensibles du commun des mortels, truffées d'anglicisme et de barbarisme. Fort de tout cela, vous vous imaginez avoir le droit de contester l'existence des vrais livres. Nulle part, même en Saskatchewan ou au Sichuan, les lecteurs n'ont abandonné les bons vieux livres reliés ou brochés. Comme vous le constatez, je ne suis pas snob. Oui, les brochés ont leur mot à dire, bien que cela doive demeurer mezzo voce. Il y a quand même une hiérarchie, putain de merde. Mes coups de vapeur déchaînent de belles rigolades dans le papier rebut papier. Toujours ça de gagner sur la morosité ambiante. Mais diable, que cet insondable déficit de culture me révulse. On ne peut faire société sur des bases aussi débilitantes. Et puis, voici qu'un matin, très tôt, la poubelle est tirée par un fier à bras. Une vraie plaie, ces putains de paplards. Ça nous fait des poubelles lourdes à en chier dans le bénard, pas possible. Hein, Roger, t'es d'accord? Faut qu'on en parle au syndicat. Sinon, ils iront se les mettre leur papyrochki. En voilà une super bonne raison d'abdiquer. J'invoque le droit au retrait. Rire. J'abrège ici le long traîne et la créativité des qualificatifs de notre excellent peuple. Matin, quelle langue! Je ne sais plus ce qu'a répondu Roger. Cela s'est perdu dans l'écouinement de la grande roue qui nous a tous comprimés dans le ventre d'un monstre roulant. Alors je vous dis pas. Question promiscuité là-dedans, c'est canon. Auparavant, il ne s'agissait que de frôlements, presque anodins. Des caresses, somme toute. À s'en souvenir, on les regretterait. Mais là, des compressions, des constrictions, des étirements, des crispations, des laminages, des vrillements. Comme j'ai béni le ciel, encore une fois, de m'avoir accordé le don d'une vraie couverture, dont le rigide a opposé une cuirasse aux assauts de tous ces dégoûtants, qui n'ont pour bonnes intentions que de vous fendre, vous écarteler, vous pénétrer, insinuer en vous leurs angles, leurs suppurations, leurs humeurs plus ou moins libidineuses. Je me suis retrouvé le coin haut et gauche enfoncé dans un papier de charcuterie, où avait dû se réfugier un sein doux longuement ranci dans un étalage d'été. Vous savez, ces délicieux marchés de cartes postales, grand air et soleil vibrant, et tout le Bataclan. En effet, j'ai pu apprécier, au plus près de tous, les avantages des circuits courts, toujours un peu trop longs pour moi. Mon mort supérieur s'enfonçait dans un nuage de confettis publicitaires. On avait rageusement réduit à plaisir ces pollutions répétitives. Tandis que mes plats faisaient joue commune avec des magazines à deux sous qui empestaient l'encre grasse dont ils me maculaient. Et quel bon voyage! À chaque arrêt, une compression supplémentaire. Et pourquoi respirer quand je devrais absorber de telles flatulences? Autant s'abstenir. Une excursion en apnée. Je me suis fait discret, sommeillant. Je crains moins que les autres voyageurs. Ma structure de bon papier interdit quasiment tout écrasement. Du moins, pour ce qui est de mon épaisseur. Par contre, si l'on pousse très fort en haut et en bas de mes plats, simultanément, il peut surgir des dégâts irrémédiables de mon âme de carton. Brisures, plis, froissements. Heureusement, je joue des coudes et je bouscule résolument de moins solides sous les compressions les plus violentes. L'obscénité rend obscène, et cela me mortifie en profondeur. Je sens que je descends irrémédiablement aux enfers de toute création. Nous voilà parvenus à destination. Et là, grande culbute, on dévale à 200 à l'heure sur une glissière de métal bien lisse et nous nous écrasons sur un large tapis roulant en caoutchouc. À peine arrivés, des pipelettes se sont mises à jacter. Ce sont les recyclés, reconnaissables à leur couleur sale, terreuse, à leur structure évanescente, presque sans matière. Elles jouent les affranchis, étant déjà passées par là. Elles connaissent les trucs, les arnaques, les débrouillardises, les bacchiches. Tout cela me semble mystérieux, sibyllin, terriblement vulgaire. Je ne peux entendre la fin de leurs exploits vantards. Je continue de me taire. On passe le conseil de révision. Le tapis roulant nous fait défiler devant une série d'uniformes, goguenards ou bougons, masqués et armés de gants caoutchoutés, de piques et de pinces. Le tri avant une solution finale adaptée à chacun. Les papiers gras filent vers l'incinérateur direct, sans jugement. Un geste les désigne, et ils sont déjà morts. Ils n'ont rien vu venir. Bien fait pour leur gueule. Les magazines sont expédiés par des glissières vers de grandes bassines acides, où ils atterrissent en grésillant, pas de grosses pertes non plus. Les papiers informatiques, déchets d'imprimantes, sont noyés dans d'immenses cuves et déchirés par de puissantes hélices. On ne va pas pleurer sur le maigre sort de ce petit compédant. Je vois les toutes petites annonces des messieurs Siseke et frères se faire encore plus discrètes et slalomer entre les risques. J'en héberge même une un moment derrière l'étrange fil de mon dos, partie comme elle est venue. Une pince m'agrippe au passage. Qu'est-ce que c'est que cette merdouille qui a encore l'air d'un livre? Ah oui, c'en est un. Oh non, c'est pas vrai. Encore un bouquin de ce vieux con de B. Allez hop, B, à la réforme. Nous a assez fait chier celui-là à la télé. Encore un qui parle pour ne rien dire, et hop, dans le grand bain du retour à zéro. Au jeu de loi, on ne tire pas toujours le prix Nobel, pas vrai les gars? Je tends l'oreille, espérant que l'un des juges de mon destin va me sortir de là, en prononçant les mots magiques, du genre « Donne, Gastounet, Je vais y jeter un coup de chasse ce soir, si mon Léon me laisse un peu de loisir. » Et tout le monde aurait ri. Cela aurait été sympa, comme on dit dans le peuple. « Mais rien, rien, des chiens et incultes, cela aussi, des chiens incultes, je vous dis, des papiers gras humains. » Je deviens odieux. J'ai entendu dire à mon sujet et à mi-voix, « Tiens, un chiffon, enfin, un connaisseur. » Ce clin d'œil ne m'empêche pas de me retrouver à nouveau en tas, un nouveau tas, un autre tout venant mal assorti. Mais que des livres, cette fois. Je demeure cependant le seul en papier chiffon, l'aristocrate au sein du grand vrac. Que des vrais livres, cette fois. Enfin, qu'est-ce qu'un livre? Je vous le demande. Belle question, en effet. Comment comparer B avec A et A avec Y? Et ne parlons pas de mettre sur un pied d'égalité les éditions de la Vénus Galante avec Galé Grasseuil. Confondrait-on la nouvelle revue gauloise, NRG pour les intimes, avec le Chasseur gaulois? Il manque à la NRG les annonces piquantes du chasseur, ce qui rend sa lecture moins palpitante, fatalement. D'où les gros tirages du chasseur, indignes cependant des regards officiels et sophistiqués du germano-pratalandzis. Nous voilà de fait tous ensemble, les bons et les moins bons, pourtant beaucoup plus nombreux. Comprends le paradoxe qui le pourra. Je me recentre sur ma nature profonde, seul de mon espèce dans cette benne, le seul à être entièrement constitué de papier chiffon. J'ai déjà joué mon rôle dans les recyclages obligés de la planète en péril. Sans me vanter, encore une fois, j'ai déjà payé mon écho à la survie de notre mère la Terre. Je devrais être exempté. Bon, je veux bien retourner à mes lointaines origines, mais la condition que l'on reconnaisse que seul... je mérite cette dignité au sein de cette ignoble accumulation. Oula, je sens que j'en fais beaucoup, c'en est trop. Arrête, coco, arrête, stop, de grâce. Te voilà comme les recyclés de tout à l'heure. Avant d'être signé, à te croire géant, sous prétexte qu'on te recycle à l'infini pour le bien du globe, prends la bonne attitude, la zen attitude, tais-toi. Tiens-toi droit et intègre, quitte à rester inconnu, ignoré, seul. L'absolu demeure à ce prix. Tu n'as que trop parlé de toi et de ton petit monde. Replie ton ego et persévère. Rêve l'éventualité de la renaissance de ton pur esprit. Dépouille-toi de ta matière. Écoute le vent dans les feuilles de papier, une dernière fois, avant l'exil nécessaire et peut-être de nouvelles gloires. Tu n'es différent que par un détail. Pour l'essentiel, tu es semblable à tes frères les livres, avec lesquels tu es confondu. J'intègre ces remarques venues des profondeurs, même si mon ego s'entend à jouer les rebelles. J'ai dû être écouté. Une pince est venue trier les livres, elle isole les chiffons, sans doute le connaisseur de tout à l'heure. Peu d'ouvrages descendent dans ce petit bac, quelques gravures, des recueils de poésie, des ouvrages anciens très fatigués. L'attente se prolonge rythmée par les chutes de nouveaux venus jetés du haut. Nous sommes moins serrés, comme il convient, à l'élite que nous représentons. Les conversations se résument à de brèves banalités. Les quelques livres du siècle des Lumières ne sont plus en état de disputer leur rang. Ils bâillent et tombent en poussière. L'arrivée de quelques fringues en tirage limité de romans récents aurait pu détendre l'atmosphère de plus en plus lourde. Mais il s'agit d'incroyables snobs qui refusent tout échange avec ce qu'ils pensent n'être que des rebuts de l'édition alors qu'ils s'imaginent en constituer la couronne et la gloire. Pour en arriver jusque-là, et si vite, leurs pages n'ont même pas été coupées par le lecteur empressé de se débarrasser d'eux. Je me fais diversion, en amorçant un timide dialogue à voix basse avec ma voisine, délicate parution d'un petit éditeur de poésie religieuse, la biche voilée, autant que j'ai pu lire. Bien que ne comptant guère plus de 15 années, la malheureuse a subi d'épouvantables outrages, froissée de toutes parts, ses plats pliés en deux, laissé voir la moitié nue d'un poème érotique attribué à un janséniste et longtemps tenu secret jusqu'à cette édition à tirage très limité et soigneusement numéroté. Je jette un œil concupiscent sur quelques vers du poème épicé. L'on ne voit pas tous les jours un janséniste dénudé. Bientôt, elle me susurre dans l'oreille que nous nous dirigeons tout droit vers le pulpeur. Notre lutte finale s'achèvera dans la grande cuve. Je me fais préciser et la cuve et le pulpeur, dont le nom, je dois l'avouer, m'évoque a priori autre chose qu'une fin de partie radicale. elle m'explique dans un frisson partagé. Nous allons tomber dans la grande cuve d'un mixeur qui nous déchiquettera. Nos morceaux, longuement brassés avec de l'eau, se déferont, dégageant enfin nos fibres, chiffons ou autres, qu'importe désormais. Le but de l'industrie papetière, comme on dit, consiste donc à nous réduire à nos fibres, à de simples assemblages de molécules débarrassées des colles, encres, coutures, mors, de toute la chimie de notre papier, de tous les artifices de nos reliures. Ma maigrelette voisine se blottit encore davantage contre moi. Elle n'a rien de ce pulpeux que ma pensée avait effleuré tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Son discours a refroidi mes imaginations. Je lui propose très sérieusement de partager notre mort commune. Je sens au frémissement de son japon moiré qu'elle accepte ce mariage mystique de dernière extrémité. Je suis tout ému de cette union, le renoncement à rencontrer la compassion. Ainsi, nous pourrons glisser ensemble dans le pulpeur, unis dans le grand tout, en attente d'une recomposition. Un nouveau papier naîtra, couchant soigneusement sous les rouleaux des machines papetières quelques-unes de ses fibres, quelques-unes des miennes, avec beaucoup d'autres étrangères. Que deviendrons-nous ? Agenda, papier à lettres ou à dessin ? Un livre, peut-être ? Oh oui, un livre, encore ! C'était Papier, par Jean-Pierre Bouguier.